passé mon temps à t'appeler, les cabines du monde entier. Pour mon malheur, mon ex-bonheur s'en souviennent par cœur. Et même si j'ai mouillé pour des bulles de champagne, sache que le goût m'est passé chacun.